Ok. R-A-Z-I. Ça rend pas. C'est valorisé en puissance. Quand on dit que les gens s'aiment, les gens cèdent sur de la fraîche, les gens s'aiment. Trop de haine dans les autopsies, que les gens se prennent la tête et tous finissent tarés. En psychiatrie, à la morgue, la tête au carré au samedi soir. L'équipe s'est tendue, t'as rien entendu, millièmes sont de sortie. Pour te foutre les pendules à l'heure, 65 secondes chrono. Une putain de pronostic au Mike FUL pour la promo. C'est valorisé en puissance, on arrête pas de célèbre, on te laisse les restes. Après la jouissance, une victime touchée, pendant qu'elle se couchait. A qui la faute si me faire péter les plombs comme Albert Fouché. Présente ma zone, quoi qu'il arrive, et comprendront que ceux qui doivent comprendre. Trop de doutes, trop de peine, trop de larmes de sang en guerre. Au son de la rue quand les gens se foutent en l'air. C'est valoris sans puissance, c'est valoris sans puissance, puissance. Et dans ce bus en avance, en avance. C'est valoris sans puissance, et sur ce but en défense, défense. C'est valoris sans puissance, c'est valoris sans puissance, puissance. Et dans ce bus en avance, en avance. C'est valoris sans puissance, en puissance. Et sur ce but en défense, hein. On vient de faire de belles phrases pour te faire pleurer. J'ai vu des traites se barrer sur ma tête, se marrer. Bande de tapettes décorées. Qu'est-ce que tu me parles de fêtes, de soirées, de femmes, de caisses dorées. Grâce au grand maître, je peux démarrer, explorer. Mais qu'est-ce que j'aurai? Toi, tu cherches ma zaine. Ok, y'a pas de problème, y'a pas de coupa qui tienne. Joue pas les tels, les vrais savent, toi tu fais de la peine. T'as pas le style, style, c'est valorise la ville, ville. Et ça sonne pas vos bling, bling. Alors frère, te casse dans la côte, ça trim, trim. Oh, c'est valorise en puissance, hein. C'est valoris sans puissance, c'est valoris sans puissance. Et dans ce but en avance, c'est valoris sans puissance. Et sur ce but en défense, c'est valoris sans puissance, c'est valoris sans puissance. Et dans ce but en avance, c'est valoris sans puissance. Et sur ce but en défense, en défense, en défense.